Rebonjour. Je voudrais vous proposer une image pour vous aider à réfléchir. Le trauma est une contraction extrême. Donc là, nous avons un point serré. D'accord ? Il est très serré pour éviter de sentir notre corps et ses sensations. C'est ça le trauma, ou l'effet du trauma. Quand nous sommes contractés, nous avons l'impression que c'est ce qu'il faut faire et qu'il faut rester contracté. Donc, on reste comme ça. Mais vous allez vous rendre compte que même si vous contractez comme ça, et peut-être même si vous serrez encore plus fort, qu'arrive-t-il? La contraction se maintient-elle pour toujours? Ou est-ce qu'elle commence à vouloir se relâcher? Donc, quand vous apprenez à suivre ce rythme naturel de contraction et de relâchement, de contraction et d'expansion, le rythme se rétablit de lui-même. Et il vous sert de guide lors de la transformation du blocage, de la terreur, du trauma, de l'inaction vers le mouvement, l'expansion et l'action. Rappelez-vous du mythe de Méduse. Méduse, c'est bien sûr la déesse des traumas. Ceux qui la regardent sont transformés en pierre, pétrifiés. Ses yeux sont écarquillés de terreur. Et alors, souvenez-vous que quand Persée demande conseil à Athéna, Athéna est l'archétype du savoir et de la stratégie, elle lui dit de ne pas regarder Méduse dans les yeux. Eh bien, c'est la même chose avec le trauma. Nous le regardons dans les yeux et nous restons figés et nous nous contractons encore et encore. Persée, lui, a levé son bouclier et au lieu de regarder Méduse dans les yeux, il n'en a vu que le reflet. Et donc, il a pu saisir son épée et lui couper la tête. Et que s'est-il passé une fois que la tête a été coupée? Deux créatures mythiques ont été libérées. La première, c'est Pégase, le cheval ailé. L'autre, c'est Chrysaor, le guerrier à l'épée d'or. Avec Pégase, on a l'image du cheval, du corps, mais aussi celle des ailes, qui symbolise la transformation du corps. En tout cas, c'est ainsi que je le vois. Quant à Chrysaor et son épée d'or, sa lame tranche afin de trouver la vérité originelle de la matière. Il existe une version un peu différente où Persée récupère le sang de la tête coupée dans deux flacons. Le sang du premier flacon, alors que c'est le même sang dans les deux, a le pouvoir de détruire, de tuer. L'autre a le pouvoir de ressusciter les morts. En comprenant ce mythe, nous nous connectons au corps, au cheval, à l'instinct. Mais l'instinct est aussi ce qui nous ouvre au cosmos, aux cieux. Donc, au cours de ce module, et avec les exercices, vous pourrez vous reconnecter à votre corps, et vous connecter à la puissance, à l'énergie et à la vitalité instinctive de votre corps, ainsi qu'à sa capacité, comme avec des ailes, de grandir et de se transformer, petit à petit. Sans prendre le trauma de front, mais grâce à son reflet dans votre corps. C'est ce qui nous aide à transformer le trauma.